Le général Yepanchin, les yeux brillants, les joues pâles, semblait lutter avec elle-même. Il répétait « Qu'on m'appelle tout de suite Gabriel Ardalionitch. Je veux voir le portrait de Nastassia Philippovna. » Mais soudain, se calmant, elle se tourna vers moi. « En vérité, prince, je n'aime pas beaucoup le secrétaire de mon mari, ce Gabriel Ardalionitch qui... Enfin, bref, si je veux voir le portrait de Nastassia Philippovna, je ne tiens pas du tout à ce que ce soit Gabriel Ardalionitch qui me l'apporte. Soyez gentil, prince. » Allez dans le bureau de mon mari et prenez le portrait. À moins que cela ne vous ennuie, prince. Bah, voyons, Aglaé, pourquoi veux-tu que cela ennuie le prince? Il n'a qu'à dire à Gabriel Ardalionitch que nous désirons voir le portrait de Nastassia Philippovna, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de donner d'explications au prince. Après tout, Gabriel Ardalionitch n'est qu'un serviteur de cette maison. Il y en a 18 autres, si je les ai comptés. Mais bah, maintenant, allez, prince, et ne revenez pas sans le portrait. Hein? Quoique l'idée de me retrouver seule avec Gabriel Ardalionitch ne me souria point, je me levai sans rien dire et je sortis. Ah, c'est vous, prince. Eh bien, comme vous voyez, je travaille. Oui, je travaille pendant que les autres se promènent ou méditent sur l'absurdité de notre condition ici-bas. Oui, prince, je travaille, car je ne veux pas que le général Yepanchin me paye à rien faire. Je tiens à être en paix avec ma conscience, moi. Je range donc les dossiers et je déchire les papiers inutiles. Autrement dit, toutes les lettres de ces gens qui réclament justice ou supplient le général d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour une chose ou pour une autre. Mais pourquoi êtes-vous revenu ici? Ce n'est certainement pas pour me tenir compagnie. Je viens chercher le portrait de Nastassia Philippovna. La générale Yepanchin... La générale Yepanchin veut voir le portrait de Nastassia Philippovna? Comment a-t-elle appris que j'en avais un? Je parie que c'est vous qui l'avez mise au courant. Que le diable vous emporte, prince, qu'aviez-vous besoin de bavarder alors que vous ne savez rien? Excusez-moi, je n'ai pas pensé que c'était un secret. J'ai dit que Nastassia Philippovna était presque aussi belle qu'Aglaïa Ivanovna. Alors, la générale Yepanchin m'a demandé si je connaissais Nastassia Philippovna. Je lui ai avoué que j'avais vu son portrait et... Mais Gabriel Ardalionitch ne m'écoutait plus. L'œil vague, il répéta deux ou trois fois. Ce pauvre idiot s'était pris de Nastassia, il me semble. Ça, c'est un point pour moi. Mais tout à coup... Écoutez, prince, j'ai quelque chose à vous demander. Cependant, j'hésite à le faire. Mais pourquoi? Je serais heureux de pouvoir vous rendre service. Alors, c'est bien, prince. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le climat de Saint-Pétersbourg est détestable. Et pour moi qui ai une petite santé... Mais au diable, le climat de Saint-Pétersbourg est ma santé. Je serais bien aise de tirer, sans plus attendre, ma révérence à cette foule d'envieux et de sots qui guettent ma chute. Mais vous vouliez me demander un service, il me semble. Vous avez raison, prince. Je ne suis qu'un bavard. Eh bien, voilà. Madame la générale et ses deux filles aînées m'en veulent. Je dirais même qu'elle me haïsse. En tout cas, elle me méprise. Mais non, non, vous vous écartez de nouveau du sujet, Gabriel Ardalionitch. Je dois rejoindre ces dames. Oui, oui, prince, je m'écarte, mais pas tant que cela, croyez-moi. Je vous disais donc que la générale et ses deux filles aînées sont fâchées contre moi, de sorte que je n'ose pas aller chez elles sans être appelée. Cependant, je dois absolument parler à Aglaïa Ivanovna, la fille cadette de la générale. À Aglaïa Ivanovna? Je lui ai écrit un mot, mais je ne sais pas comment lui faire parvenir. Ne voudriez-vous pas, prince, transmettre cette humble supplique à Aglaïa Ivanovna, de façon que personne ne le sache, comprenez-vous? Oui, je comprends, mais tout cela me paraît pour le moins étrange. Ne pourriez-vous pas vous adresser à quelqu'un d'autre? À qui? Je n'ai confiance en personne. Et c'est tellement important pour moi, tellement important, prince. C'est bien, je transmettrai votre billet à Aglaïa. Et de façon que personne ne le voit, n'est-ce pas, prince? J'ai votre parole. Je pris le billet de Gabriel Ardalionitch et je sortis. Près de la porte du salon, je me heurtai à Aglaé. Elle jeta un regard bizarre sur moi. Elle eut l'air de se demander comment j'avais pu me charger de cette commission. Puis son visage exprima une sorte de dégoût. Elle me tourna le dos et pénétra dans le salon. Je la suivis. Vous êtes resté bien longtemps, prince. Avez-vous le portrait, au moins? Oui, je l'ai, voilà. Ah, montrez-le-moi, vite. Oh, Oui, elle est belle. Elle est belle, cette Nastassia Philippovna. Très belle, même. Prisez-vous ce genre de beauté, prince? Oui, madame. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que le visage de Nastassia Philippovna exprime de la souffrance. Ah. Je me demande, prince, si vous ne délirez pas. La mine dédaigneuse, les joues écarlates. La générale Yepanchine jeta le portrait de Nastassia Philippovna au milieu de la table et croisa les bras. Alexandra, sa fille aînée, le saisit à son tour et le montra à Adélaïde, sa sœur. Cette dernière s'écria... Oh, quelle beauté! Cette femme doit exercer sur les hommes un pouvoir... Oh, tu dis des bêtises, Adélaïde. Mais je ne crois pas, maman. Avec une beauté pareille, on peut... Oh, moi j'en ai assez de tout cela. Et je vais mettre un terme à vos divagations. Madame la générale a sonné. Descends au bureau et dis à Gabriela Dalionitch que je vais le voir. Et immédiatement. Bien, madame la générale. Alors, voyez-vous, prince, nous sommes entourés de mystères. Cependant, notre affaire exige d'être traitée clairement et surtout honnêtement. N'est-ce pas votre avis? C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Pierre Noël, Ginette Taffin, Denis Costanzo, René Ferral et Gabi Morlaix. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.